Martin fut enrôlé chez les ecclésiastiques à 15 ans. À cause de ses entretiens avec les anges, il fut doté d'une grande perspicacité à discerner la nature des esprits. Sulpice Sévère, moine chroniqueur, disait que les envieux lui reprochaient de porter des vêtements abjects et d'être mal peigné, mais sitôt après sa mort, toute trace de crasse disparut de son corps. Au IVe siècle, quand Martin apprend qu'une jeune martyre nommée Vitaline était décédée, il se rend prier sur sa tombe au bourg d'Arton. Quand Vitaline lui apparut, il lui demanda si elle avait ce bonheur de la contemplation de Dieu. « Non pas encore, je dois être purifiée d'un péché qui me retient, dit-elle, pour m'être lavé le visage par trop d'attention chaque vendredi saint de Pâques, jour où nous célébrons la passion du Rédempteur du monde, jour où notre Seigneur a si durement souffert la mort pour nous. » Cet avantage fut différé à cause d'une chose qui lui avait alors paru de peu de conséquence. Suite à cette apparition, Martin se retira. Peu de temps après, il dit en larmes à ses disciples « malheur à nous qui vivons encore dans ce monde. Si la complaisance de se laver le visage a été trouvée assez criminelle, pour empêcher une Vierge consacrée à Jésus d'être admise en présence de Dieu, que ferons-nous nous autres que l'esprit trompeur du siècle séduit et pousse continuellement au péché ?» Martin revint sur la tombe de Vitaline. Par ses prières, il lui donna l'absolution de s'être lavé le visage avec trop de soin. Puis il lui dit « Réjouissez-vous Vitaline, sœur bénie. Dans 3 jours, vous serez présentée complètement pure devant sa majesté divine. » 3 jours après, Vitaline apparut à plusieurs personnes qui reçurent d'elle les grâces demandées. Et lorsque Eulalie, l'archiprêtre d'Arton, voulut célébrer des vigiles, ou veilles, pour honorer la sainte, et inviter les pauvres de sa paroisse à un repas, comme il ne pouvait se procurer du poisson, Vitaline avertit un pêcheur d'aller promptement pêcher pour ce repas. Dès que le pêcheur jeta son filet dans l'eau, il tira un énorme poisson. C'est avec dévotion qu'il fut mangé par les convives.